Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Nous profitons des vacances pour revoir ensemble les meilleures sorties de la saison. Toutes les adorables créatures de Madagascar sont de retour. Le lion, le zèbre, la girafe, l'hippopotame, le roi, Maurice et les pingouins. Aucun ne manque à l'appel. Après s'être échoué sur les rivages lointains de Madagascar, nos New-Yorkais ont concocté un plan dément. Si dément qu'il pourrait bien réussir. Avec une discipline quasi militaire, les pingouins ont rafistolé une épave d'avion et au terme d'un vol chaotique à souhait, l'improbable équipage a pu rallier les vastes plaines d'Afrique. On a tous cru qu'ils rentraient chez eux. Commandant, il y a peut-être plus d'essence. Regarde pas, poupée. Mauvaise pioche. Ah, Maurice, c'est plus rigolo si tu lèves les bras. Ah, envoyez. Wow. Je crois que c'est l'Afrique. Hugues, que les esprits des ancêtres vous donnent joie et santé. J'ai rien dit. Désormais. Attention, je crois que Motomoto a flashé sur toi. Je les aime grands. Je les aime joufflus. Lui, c'est ton pote ou c'est ton popotin? Il va leur falloir renouer. C'est pas trop mortel, ce quoi? Avec leur nature sauvage. Si, beaucoup trop. Opération piège à touristes activée. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? On dégage, on dégage! Musique. Madagascar 2, pour toute la famille, en DVD et DVD Blu-ray, Paramount.